3, 2, 1. Knicks on Friday night. MSG is the place to be. Oh no! On Monday, and it was on Tuesday, and it was ooh, on Wednesday. Gave her what she wanted through to Sunday. Not a day, not a week without talking about Knicks. Qu'est-ce qui m'arrive? Je suis resté coincé là-bas ou quoi? Ben non, on est de retour. Et on est de retour pour parler des Knicks en francophone. Pas un jour, pas une semaine sans parler des Knicks. Seb, le Gaulois. Seb, le Gaulois. Showbix, le Gaulois. Comment vas-tu? Ah ben ça va, ça va, ça va. Ça va. Très très bien, j'espère que toi ton voyage s'est bien passé, toi tu t'es bien amusé. C'est extrêmement bien passé, j'ai un peu la voix cassée, bon vous m'excuserez, encore jet lagué, j'espère que je vais pas m'endormir pendant l'émission. En tout cas on est là pour parler d'Enix, de tout ce qui s'est passé sur deux semaines. Bah oui, on a une semaine où on était là-bas, il y a une semaine avant où il y a eu d'autres matchs, donc vous le savez, on va pas perdre de temps, il y a encore beaucoup de choses à se raconter. Je vais peut-être enlever la chaîne parce que ça risque de faire un boucan tout le long de l'émission. Vous allez rien entendre. Déjà qu'avec ma voix, c'est compliqué. On lance le jingle et on parle de ce qui s'est passé la semaine dernière chez les New York Knickerbockers. Il y a tout ça, B. Allez, c'est parti. Épisode 111 à Venix Week sur KNF TV. C'est votre rendez-vous. Oh là là, comme un blaireau, je suis coincé avec ma chaîne. Et oui, le petit goodies qui est de retour de New York. On va enlever ça proprement. Voilà, j'espère que ça fera pas trop de bruit sur le long de l'émission. Le petit t-shirt du voyage. Et ben ouais, on est encore en mode souvenir. Et souvenir pourquoi? Bah parce qu'on a passé encore une fois un excellent voyage associatif. KNF Mecatrip édition 2025. Knicks Flight for New York. Et oui, c'était pas du Fight for New York. Non, un petit peu quand même. On est dans la semaine de la rivalité, de la semaine du MLK Day. C'est une semaine très très très sympa. Je passe encore un gros gros big up à tous les gens qui nous ont accompagnés sur ce voyage. Bien sûr, nos partenaires voyage qui nous ont permis de rendre cette expérience possible pour une vingtaine de voyageurs francophones, une vingtaine d'adhérents de l'association. On a kiffé, il a fait froid, il a fait très très froid, hein. Des températures négatives tout du long. Mais New York, même sous une petite couche de neige, c'est mignon comme tout. Et puis bah, deux matchs au Garden pour se réchauffer, enfin deux matchs au Garden, non. Un match au Garden, un match au Barclays Center. Deux salles, deux ambiances, on s'est réchauffé là-bas, on a pris des victoires, on a bien mangé, on a bien bu, on a fait du shopping. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Eh bah oui, de la NCAA aussi. Je recommande, si un jour vous allez à New York et qu'il y a un match de NCAA, n'hésitez pas, foncez. Les places sont un peu plus abordables, l'ambiance est clairement au-dessus. Hein, franchement, on a du supportering à fond. C'est pas du clubisme, non, c'est du faciste. Je sais pas comment on dit. Je sais pas comment on dit quand on supporte sa fac. St. John's contre Xavier. C'était franchement au top aussi. Donc voilà, trois matchs, trois victoires. Je pense qu'il faut que je retourne plus souvent au Garden et plus souvent supporter les équipes new-yorkaises. Et à ce moment-là, on pourra parler vraiment de contender. Tu demandes à ton job d'être délocalisé là-bas. Ouais, je sais pas, faudra peut-être demander la carte verte. Voilà, encore un super voyage. Et vous le savez, il y a un deuxième voyage associatif cette saison. Ça sera un petit peu plus tard, ça sera en mars. Et ça sera aussi deux salles, deux ambiances, parce qu'il y aura une première étape à Miami, la Kesaya Center, je crois. Oui, le nom de la salle, c'est ça. Et bah, un autre match au Madison Square Garden, face à Chef Curry, hein, le Night Night. Espérons qu'il n'éteigne pas le public du Garden. Et ça sera en mars. Donc on suivra ça aussi dans quelques temps. Voilà. Et puis restez à l'affût, parce que sur la chaîne on vous proposera très prochainement la vidéo officielle du voyage. Là vous avez quelques petites pépites, quelques petites images, un petit peu pour vous donner en mode diaporama tout ce qui s'est passé. On en a partagé un petit peu sur les réseaux sociaux, mais voilà, vous aurez la vidéo officielle qui vous donnera peut-être envie de nous rejoindre la saison prochaine pour nos fameux voyages associatifs. En tout cas, c'est une expérience à ne pas manquer. Et Seb, j'espère qu'un jour, on pourra t'embarquer avec nous sur ces voyages. J'espère voilà, aussi. J'espère aussi. Juste ouais. Mettre un petit peu de sous dans la tirelire. Parce que moi, le seul match que j'ai vu, c'était les débuts du duo Jokic-Murray contre les Knicks en 2017 avec une pitoyable défaite. Donc voilà, c'est la seule fois où j'ai vu mon équipe jouer. Depuis, l'équipe s'est nettement améliorée. Ouais, c'était pas les Knicks glorieux à ce temps-là. Hein. C'était également l'occasion du tout premier KNF Mecatrip en 2017, en février. Oui, j'avais croisé les adhérents les pionniers de KNF, ouais, dans les travées du Madison Square. J'avais entendu parler français, puis en fait j'avais vu un groupe après, ça m'avait fait marrer. Qui sont ces gens? Les irréductibles fans des Knicks. Je le savais parce que je suivais les lives de Julien Barthélémy mis dans sa voiture. Donc je c'était une époque rigolote, quoi. Ah, de l'eau a coulé dessous les ponts depuis et les voyages s'accumulent et s'enchaînent toutes les saisons. Il n'y a que le Covid qui nous a stoppés, mais sinon on est toujours là pour kiffer à New York et on espère être là encore de nombreuses années pour pouvoir vous accompagner toutes et tous dans cette découverte de New York, du Madison Square Garden, des Knicks. Et puis voilà, c'est ces fans d'expérience qui font aussi le renom de l'association et de ses voyages. Bon, des voyages, c'est très bien. Vous savez qu'il y en a un autre qui arrive, mais il y a aussi un nouvel événement, un nouveau rendez-vous. Et là, ça sera une KNF Viewing Party. La date est connue, ça y est, l'affiche aussi est connue. Une belle affiche, belle date, je ne sais pas, 23 février, je ne sais pas si c'est une date particulière pour vous. Mais en tout cas, ça sera un dimanche et on aura le plaisir de vous accueillir au Hideout à partir de 18h30. Donc, mettez cette date dans vos agendas. Il y aura du verre? Oui, il y aura du verre. Verre à moitié vide, à moitié plein, on verra. En tout cas, il y aura du verre à croquer, on l'espère. Enfin, espérons pas que ça soit le verre qui croque la grosse pomme, mais plutôt l'inverse. Hein. Pourquoi pas? Karl-Anthony Towns va-t-il écraser Luke Kornet? On l'espère aussi. Hein. Mais ça sera une affiche contre les Boston Celtics. Ça sera la troisième. Il y a une petite date qui va se glisser, une petite confrontation qui va se glisser entre les deux. On s'est fait fesser lors de l'opening night face aux Celtics, chez eux. Ouais. Espérons que les Knicks aient un petit peu plus de bois à envoyer contre ces Celtics. Et ça sera donc le 23 février pour une KNF Viewing Party. Plutôt belle affiche. Donc save the date, comme on dit. Et on vous retrouve très prochainement pour festoyer dans notre repère qui est le Hideout Paris Gare du Nord. Vous connaissez l'adresse. Tous les détails seront présents, bien entendu, sur notre site nixnationfrance.com. Voilà, on revient de New York avec la voix cassée, des souvenirs, plein la tête, c'est sûr, dans la valise, sûrement aussi certain. Et on revient surtout de New York avec, non pas un, mais deux All-Stars titulaires. Oui, oui, oui, grosse surprise, belle surprise en tout cas. On pouvait s'attendre à ce que Karl-Anthony Towns hérite de cette place de pivot d'intérieur titulaire, compte tenu des votes plutôt à son avantage, avec vraiment un bel emballement populaire pour le début de saison de Karl-Anthony Towns. Pour Jalen Brunson, on pouvait avoir des doutes parce qu'il y avait de la concurrence dans les postes d'arrière dans la conférence Est, à l'Est. La Melo Ball était sortie tout premier des votes du public. Moi, je ne sais pas qui sont tous ces gens qui regardent les matchs des Hornets, mais bon, faut croire qu'ils adorent ce personnage, ce joueur. Mais les médias sont passés par là, mais les joueurs sont passés par là et ont un petit peu rééquilibré tout ça. Et finalement, c'est Jalen Brunson qui va starter à côté de Donovan Mitchell lors de cette nouvelle édition, ce nouveau format. Hein. Ça ne sera pas la conférence Est contre la conférence Ouest. Il y aura des mix d'équipes, il y aura un mini tournoi qui va être fait. On verra si la formule, en tout cas, plaît. Mais en tout cas, d'un point de vue consécration et sélection All-Star, eh ben ça y est, Jalen Brunson a encore franchi un cap. Cette fois-ci, il est All-Star titulaire. Il avait été All-Star réserviste la saison dernière pour sa première sélection. Cette fois-ci, il passe un cap. Surprenant, Seb, cette sélection, non? Tu ne trouves pas? Ouais, je ne pensais pas, comme on en parlait, que Towns soit dans les starters, ouais. Parce que c'est vrai que au point de vue des bigs, tu en as trois, donc forcément ça multiplie les chances. Ouais, c'est un peu plus d'en avoir un, et puis vu le début de saison, quand même, on est troisième de l'Est, il fait des grosses stats, donc bon, c'était pas acté, mais en tout cas, il y avait de grosses probabilités. Et c'est vrai que l'interrogation, elle était sur Brunson. Beaucoup plaidé pour un Cunningham, par exemple, qui fait une très bonne saison. D'autres parlaient de Garland, parce que c'est vrai que les Cavs, à ce temps-là, perdaient pas trop de matchs. Et ils écrasaient la concurrence, donc d'avoir deux Cavs, c'était pas non plus déconnant. Et puis, ouais, et puis bah, après, derrière, les coachs et les joueurs, parce que c'est ça, hein, les Alors, coachs. c'est les médias et les joueurs. Les coachs, ça va être pour les réservistes. Excuse-moi, excuse-moi, pas les coachs, je me suis trompé. Les médias et les joueurs l'ont mis deuxième. L'ont mis deuxième dans le. Et puis, il a bien rattrapé son retard. Alors, il n'a pas passé Lillard, mais il avait quand même bien rattrapé. Il a eu plus d'un million, je sais plus combien de voix. C'est énorme, hein, pour Jalen Brunson. Ouais, bel engouement populaire. Et puis, il y a eu des belles performances qui ont aidé, je pense, aussi à rappeler Des belles qu'on avait un performances, joueur valuable. des Mais playoffs effectivement. de malades. Il y a eu beaucoup de choses qui. Mais ouais, non. Écoute, tant mieux, c'est bien. Tant mieux pour New York, ça fait une belle représentation en tout cas. On est d'accord que c'est deux joueurs qui jouent, qui évoluent au niveau All-Star. All-Star titulaire, bah écoute, tant mieux pour Jalen Brunson. On verra qui choisit qui dans la composition des équipes. On aura deux Knickerbockers au moins. Je pense pas qu'on en verra un troisième, hein. Certains militeraient pour voir un Josh Hart. Là, ça va être quand même nettement plus compliqué parce que voilà, sur les réservistes, il va falloir caler tout un tas de joueurs qui sont arrivés bien haut dans le classement et puis aussi des équipes qui ne sont pas encore représentées. On a eu un bon début de saison de la part de Orlando. C'est rentré un peu plus dans le rang ces derniers temps, mais voilà, est-ce que Ah, ça il y a sera. eu des blessures. Je pense qu'ils sont un peu plus usés aussi. Est-ce que Banchero, qui avait fait un démarrage en boulet de canon avant de se blesser, bah, ne verra pas de sélection All-Star cette saison? À voir. On pense côté Boston à Jaylen Brown, qui lui évolue dans le front court. Donc Ouais, voilà, il est. il sera, bah, il n'y a pas de Est-ce souci. que Philadelphie va glisser un All-Star? Tyrese Maxey, Joel Embiid, je vois pas pourquoi, mais bon. Ouais. Bref, Cleveland, un seul représentant, alors qu'ils étaient. Vraiment en mode on roule sur la ligue en début de saison, donc à voir en tout cas. On n'aura pas à se soucier de savoir si Jalen Brunson va être repêché par les coachs. C'est déjà fait par les médias, les joueurs et donc le vote populaire. Donc bravo à toi, JB. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Bravo à Mais toi, JB. Et. on peut rappeler que la dernière fois qu'il y a eu deux starters Ça chez remonte, Knicks, ça remonte. ça remonte à 1975 et à la paire Frazier-Monroe. Monroe. Donc ça remonte. Et bah, écoute, actuellement, ça fait maintenant quelques années qu'on installe deux Knicks All-Star. C'était pas, tu vois, là, donc on a cette paire Kat Brunson. On a eu la paire Julius Brunson. Donc avant ça, on avait eu Carmelo Chandler. Et puis à la Houston, la Trail Sprewell. Ouais, Stoudemeyer et Melo aussi, mais ah, quoi que non, non, Non, c'était non, non, Stoudemeyer non, une année, Melo n'était pas non, encore non. basculé, Ce que ouais. je te dis, c'est Melo, c'est Tyson Chandler, la deuxième paire récente de la, on va dire, du siècle. De l'ère moderne. Mais sinon, ouais, la dernière fois, donc c'était en 1975, donc on remet un peu les compteurs à jour, on va dire, c'est pas mal. Ça ne nous rajeunit pas, on n'était pas nés en 75, que ce Moi soit non, toi et moi, t'es mais en pas tout né. cas, moi non plus, hein, moi non plus. Peut-être plus vieux, mais pas non plus. Et aussi un fait qui est important, bah c'est de noter que Karl-Anthony Towns, c'est le Knickerbocker qui aura eu le plus de voix au All-Star Game, enfin sur les votes populaires, de toute l'histoire. Même un Patrick Ewing, aussi légendaire soit-il, n'a pas été avec ce niveau de vote populaire. Alors pour les All-Stars des années 70, on n'était clairement pas sur un mode de vote via C'est Internet. en Bon. 94, je crois. C'est en 94 où on en envoie 3. Avec Oakley et Oakley John et Starks, Starks ouais, tout à fait, ouais. avec Patrick Ewing, je crois que c'est en Et 94. Patrick Ewing. Après, le mode de vote n'était pas sur Internet, donc c'est sûr que voilà. Mais en tout cas, ouais, Karl-Anthony Towns, ça sera le Knickerbocker qui aura eu le plus de votes, même quand Melo a pu avoir ses différentes sélections. Il n'avait pas autant de votes que Karl-Anthony Towns. Donc cette saison, ça dépasse simplement le cadre des Knicks fans. Les fans NBA ont reconnu que Karl-Anthony Towns faisait un bon début de saison et qu'il méritait cette place de starter. Eh bien, tant mieux. Si Joel Embiid n'avait pas été blessé, dans quel. Voilà, ça c'est un monde parallèle dans lequel nous n'irons pas. Si Joel Embiid n'avait pas été blessé, Eh ouais, ça c'est quand est-ce que même c'est. déjà à la base le truc c'est quand même assez énorme quoi. C'est si Joel Embiid n'avait pas été blessé, on peut Est-ce que mettre ça serait le limite, GOAT? on peut mettre cette phrase dans beaucoup de what if en fait. Donc Ouais, puis surtout le concernant. Le concernant. Bon, Karl Anthony Towns All-Star, mais Karl Anthony Towns Star aussi, qui va faire la couverture du nouveau slam. Vous avez vu passer les photos, l'interview, les vidéos, comment dire, promotionnelles. Making of, voilà, behind the scene, de Yatou Sabé, tu sais, you know, vous savez, en espagnol, parce que oui, il a un petit peu de République dominicaine à représenter, notre ami Karl Anthony Towns, et donc il sera à l'honneur du prochain numéro de Slam. Malheureusement, on est parti de New York juste avant qu'il sorte, ah là là, donc ça va être encore compliqué de se produire, de se procurer cet objet de collection. Mais après RG et Julius, après GB, après le trio des Nova Boys qui étaient Dante, Josh Hart et Jalen Brunson, et ben encore une saison avec un joueur des Knicks en couverture de cette référence du basket qui est le magazine Slam. C'est dire si les Knicks ont la cote, c'est dire si les Knicks sont bankable. Et voilà, ça va faire une interview plutôt sympa à lire. Je sais pas si tu as l'occasion de la lire, mais en tout cas, il évoque bien sûr non. son arrivée à New York, son amour pour New York, pour les Knicks, sa relation avec cette fanbase et son envie aussi de représenter bah, voilà, la communauté un petit peu hispanique. Donc voilà, ça serait, c'est pas un choix anodin. Et voilà, ça donne des photos plutôt sympathiques. On va voir si on arrive à mettre la main sur cet objet de collection qui va s'arracher. C'est encore sûr que ça va s'arracher. Ah là là. Bon, des objets de collection, il y en a aussi dans les shops et on a pu en voir lorsqu'on s'est rendu à Big Apple. La NBA a publié son classement. Alors, je ne sais pas combien de fois il publie ce classement des meilleures ventes, des objets, des jerseys dans la ligue. Les ligues sont représentées plutôt pas trop mal en la personne de Jalen Brunson. Alors voilà, c'est normal, un All-Star starter. La franchise numéro 3 classée dans les ventes, hein, derrière les Celtics et les Lakers. Bon, voilà, gros marché, forcément, du nouveau City Edition, de nouveaux joueurs. Ça donne envie de consommer et ça consomme bien. Mais Jalen Brunson, numéro 4 des ventes de jersey. Pas complètement surprenant parce que voilà, on est aussi un joueur qui s'installe dans le temps et qui performe, mais on voit pas de Karl Anthony Towns. Et moi, je pense que avec un petit peu plus de merchandising, et ça là-dessus, c'est un mini coup de gueule que l'on peut envoyer à l'NBA en se déplaçant à New York. On ne trouve pas de jersey City Edition de Karl Anthony Towns, par contre, par exemple, il est en sold out. Ah oui, mais si vous nous mettez un petit peu plus de merch, on va en acheter, on va se faire plaisir, on va en consommer, et là, forcément, vous ferez du billet vert. Donc c'est un peu dommage des fois de voir des ruptures de stock sur des produits et sur des joueurs qui sont complètement bankable. Il y a du OG Anunoby, il y a du Josh Hart, il y a du Michael Bridges, il y a du GB. Par contre, Karl Anthony Towns, c'est sold out. Donc c'est peut-être ça aussi qui fait les bons résultats. Mais voilà, en vente de jersey, bah, Karl Anthony Towns n'est pas dans le top 15. Alors que, je pense, avec un marché comme New York, avec un joueur qui est sympathique comme tout qui vient d'arriver... Le 32, il peut se vendre. Ah oh ben, je pense, donc, oui, bien sûr. Bien sûr. Donc, voilà. On peut mieux faire dans le business, mais c'est plutôt pas mal. Et puis, voilà, je pense qu'on retrouvera du Karl Anthony Towns, peut-être sur le prochain classement de la NBA, sur ses ventes. En tout cas, voilà, voilà. Les affaires se portent bien, le business se porte bien. La semaine dernière, voire les deux semaines dernières, il y avait des matchs. On va faire un petit peu cette rétrospective. Alors, moi, je ne cache pas que le voyage... m'a mis une claque, m'a chamboulé émotionnellement. On a vécu pas mal de belles choses. Et que faire cette rétrospective sur les 6 matchs, ouf, il y a des choses que j'ai peut-être oubliées. Des défaites, par exemple. Ça avait commencé par le match face aux Pistons, la réception des Pistons. Les Knicks étaient en back-to-back. Il y avait peut-être un peu de fatigue. Il y avait quand même Karl Anthony Towns sur ce match-là. Il était gêné à son pouce, mais il jouait encore. Et ça s'est pas bien passé au Garden. Il s'était gêné. Oui, il s'est blessé à son pouce lors de cette rencontre. Il a fini le match hein, face aux Pistons. Ça ne l'a pas empêché de performer dans cette rencontre face aux Pistons. Mais les Knicks ont été accrochés face à des Pistons qui sont valeureux. Il faut respecter les Pistons cette saison. Oui, bien sûr. Karl Anthony Towns, il termine avec 26 points, 12 rebonds. Cette rencontre en 43 minutes de temps de jeu. Donc un gros temps de jeu encore. Est-ce qu'on parlera des minutes? On va peut-être s'éviter ce débat perpétuel d'émission en émission. On l'a fait, on s'est énervé, on a crié. Est-ce que les choses ont changé? Est-ce que les choses... Est-ce qu'elles vont changer? Ça a évolué sur les 2-3 derniers matchs, quand même, un petit peu, il faut reconnaître. Peut-être pas dans le volume, mais dans la façon dont les rotations se font. Il y a des rotations qui se font un peu plus tôt dans le premier quart-temps. Après, quand il faut gagner des matchs, bah, on s'en remet souvent aux mêmes joueurs. qu'on peut comprendre. Ouais, un match décevant dans le résultat parce que bah, là, défaite face aux Pistons. Et on se dit que quand on est Lenny, qu'on ambitionne d'aller loin au printemps, bah, même si les Pistons jouent mieux cette saison, même s'ils ont un Kate Cunningham qui a été plutôt bien tenu en première mi-temps et qui s'est plutôt bien déchaîné en seconde, bah voilà, les Knicks normalement affichent un effectif supérieur à l'effectif des Pistons. Et ben ça n'a pas suffi, ça n'a pas suffi. Ça a été un match qui a été accroché en fin de rencontre, mais les Knicks se sont inclinés quoi. Donc je sais pas quel souvenir toi tu gardes. Bah on en avait eu l'occasion d'en parler sur le Space de Chappie le mardi soir, puisqu'il était le lundi. Hein, c'est, enfin le match ouais. était le lundi matin, donc on avait parlé. Bon, moi je trouve que y a beaucoup de crédit à mettre à l'attention des Pistons, mais à la maison tu dois pas perdre contre les Pistons. À la maison tu dois le gagner ce match. Et tu l'as pas gagné, tu l'as pas pris. Et voilà, donc malheureusement, les Knicks, ça a été un peu ça, ça va un peu mieux, mais ça a été très ça. Ça veut dire les montagnes russes. Victoire, défaite, et. Ce match, il est accroché. Ouais. On sent qu'il y a peut-être un peu de la fatigue qui pèse, mais on sent aussi qu'il y a des fois des problèmes défensifs. Où on va laisser un Malik Beasley scorer à 3 points. Il nous avait déjà mis, hein, je crois, un 7 sur 10 la première fois quand il était venu au Garden. C'était déjà une défaite. Mais tu t'imagines quand même que le 5 des Pistons, Tobias Harris, 11 points. Ozar Thompson, 11 points. Tim Hardaway, 10 points avec un 4 sur 12 au shoot. Jalen Durant, 10 points. C'est-à-dire que déjà sur les 5, t'en as 4 qui ont marqué juste, on va dire, 10 points chacun. Je lui dis quand même, tu vois, c'est pas énorme pour un 5 de départ. T'as un Kel Cunningham qui s'est régalé, qui a mis 36 points. En seconde mi-temps, il a été pris par les fautes aussi en première, mais il a su à un moment donné déclencher la différence, ça s'est fait en sortie de banc. Voilà, Malik Beasley, 22 points, 6 sur 8 à 3. Voilà, et nous on a amené du banc, on a amené 13 points. Encore heureux, c'est Campaign qui fait une belle sortie, 10 points en 14 minutes. Ouais. Et autrement, c'est McBride qui est que à 3 points. Sinon, c'est la bulle pour Chamette. Alors, Chamette, 4 minutes dans cette rencontre. Très peu. Et McBride, c'est deux tirs pris. Ouais, surprenant en 17 minutes de temps de jeu. Ouais. Donc voilà, il a son temps de jeu, il a ses minutes. Il n'a pas forcé au shoot, ça c'est sûr, mais il a pris que 2 tirs. Quoi. Donc, ouais, un match très particulier. Et autrement, bah oui, le starting 5 d'Enix, il s'en sort plutôt pas trop mal. On a un 4 à 26 points, 12 rebonds. On a un GB à 31 points. On se passe. Voilà, il essaye de faire contribuer ses coéquipiers. On a un Mikal Bridges qui a été bon dans ce match-là. 27 points avec des bons pourcentages et un bon pourcentage à 3 points. Lui qui était en galère sur les matchs précédents, ça va un il peu s'en sort mieux à 6 sur 8. Pour Mikal. Ça va un peu. Ouais, il avait été critiqué. Josh Hart était une nouvelle fois venu un petit peu au créneau. Quand il faut défendre ses coéquipiers, c'est souvent Josh qui est là. Et sur ce match-là, bah voilà, il se réconcilie un peu avec le public du Garden sur ce match. Mais voilà, malheureusement, c'est pas suffisant. OG, 10 points, c'est timide, mais voilà, non, c'est une défaite dommage, encore une fois, même si, oui, les Pistons, faut pas les prendre de haut, comme tu le dis, à un moment, il faut se faire respecter au Garden, le back-to-back, ça ne réussit pas, voilà, encore une fois, un back-to-back dans la défaite, bon, bravo aux Pistons, dommage pour les Knicks, derrière, c'était un déplacement, où ça, en Pennsylvanie, à Philadelphie. Les Philadelphia Sixers qui jouaient sans Joel Embiid, on l'a dit, hein, que serait la carrière de Joel Embiid sans ses blessures. Et ben là, on ne saura pas sur ce match-là. Là, ça s'est mieux passé hein, pour les Knicks, hein, clairement. Les Knicks avaient bien démarré la rencontre. Il y a eu un petit peu un rapproché de la part des Sixers qui ont semé le doute à un moment donné. Et au final, les Knicks s'en sortent bien. Une victoire au forceps 125-119. Heureusement qu'il y a eu des pertes de balles, qu'il y a eu une fin de match qui a été mal gérée. Qu'il y a eu des pertes de balles, moi je vous ai dit malheureusement qu'il y aurait eu. Non, de la part des Sixers. Parce que les Sixers n'ont pas bien géré leur fin de match. Et nous non plus, parce qu'on doit le tuer ce match. Et je rappelle qu'on a quand même la balle de la win. Et en fait, sur une trappe, ça a été doublé, voire triplé sur GB, il perd la balle. Et derrière, ils ont l'occasion qu'ils convertissent à 2 points pour égaliser par Tyrese Maxey. Mais on a normalement ce match ne doit pas aller en prolongation. On On doit doit le pas, on prendre. doit pas se pousser si loin, Non. mais voilà. Bon, on le prend tant mieux Voilà. pour nous. Mais la fin de match du temps réglementaire a été gâchée par des mauvaises décisions sur les 3-4 dernières possessions. C'est la fin de prolongation, on va dire, des Sixers qui a été mauvaise. Mais oui, les Knicks devaient normalement s'imposer plus tranquillement, plus facilement. Maxi n'avait pas été très rayonnant sur le temps réglementaire. Il a su profiter des erreurs et des largesses de la défense lorsque les Knicks étaient peut-être à bout de souffle. Là, il n'y avait pas de back-to-back. Alors, c'est un match aussi où il faut le signaler, il n'y avait pas de Karl-Anthony Towns. Certes, il n'y avait pas de Joel Embiid en face. On sait l'importance qu'a Karl-Anthony Towns dans ce genre de rencontre, dans le dispositif des Knicks maintenant. Un Karl-Anthony Towns qui avait revêtu une tenue des Eagles, qui a fait parler, qui a fait jaser en première mi-temps, et puis En s'est vert, changé ouais, derrière. en vert. Parce que c'est vrai que, bon, admettons, t'es fan de l'équipe adverse, mais là, tu soutiens une équipe de Philadelphie, quoi. Ça, c'est un peu mauvais genre. Bon, Tu ça soutiens s'est l'équipe de rechangé. Philadelphie, tu portes du vert. Ah, Donc, Philadelphie, pour les Knicks, tu vois, avec Boston, c'est peut-être pas ouf non plus. ouais, il s'est, voilà, on lui a fait remarquer. Mais il était sur le banc, il n'a pas joué ce match-là, touché à son pouce. Ça a forcément un peu déstabilisé John Enix. On n'avait pas la présence de Karl-Anthony Towns au rebond, on n'avait pas son pouvoir d'écarter le jeu, de faire du spacing vis-à-vis de ses shoots à 3 points. Bon, normalement, même sans Karl-Anthony Towns, on pouvait espérer s'imposer facilement. Ça a été plus compliqué que prévu parce que voilà, on a joué avec le feu, on les a laissés revenir. Je crois que c'est le troisième carton qui est encore mauvais. Enfin, on a des difficultés en retour de vestiaire en ce moment. 25-38, le troisième Ouais. carton. Oui, voilà, il est mauvais. Ouais, il est très mauvais. Encaissé 38 points. Forcément, si tu prends une avance à la mi-temps, bah derrière, Ah ouais? Parce tu que la dilapides assez vite, quoi. tu fais le job, c'est-à-dire que premier quart 30-21, pas mal. Deuxième quart 30-26, très bien. Et troisième quart 25-38. Ouais, à la mi-temps, 60-47. Le break était fait. Ouais. Il faut juste dérouler sereinement et non, on se fait Non. rattraper. Ouais, on a. On se fait rattraper. Donc, c'est en ça où on a des fois des motifs d'inquiétude. C'est que au sein d'une semaine, il y a des trous d'air sur des matchs. Au sein d'un match, il y a des trous d'air aussi. C'est des trous d'air offensifs parfois. Parce que oui, peut-être qu'on encaisse 38 points et c'est beaucoup trop sur un carton. Mais on est à la peine par moment, par séquence, pendant 2, 3, 4 Ouais. minutes. Des fois, on va pas scorer. C'est mince, pour pas On dire autre passe, chose. ouais, on passe au travers. Des fois, c'est très brouillon. Notre attaque est brouillonne. La défense marche pas. Et là, d'un coup, tout s'effondre. Sur ce match, bon, sur ce match, on va aussi saluer encore un triple double de Josh Hart. Ouais. Josh Hart, les triple doubles, ça va ensemble, hein. On 10 points, en parlera 17 rebonds. on en parlera à la fin de son bilan triple-double. Mais ouais, Josh Hart, comment ne pas aimer enfin, ce joueur? Tu ne peux pas, Clairement. en fait, même en tant que fan des Knicks, tu ne peux pas, en fait, ne pas l'aimer. Il est au four et au moulin, que 10 points, mais voilà, 17 rebonds et 12 Ah passes. ouais, Voilà, c'est le meilleur passeur de la rencontre, 4 meilleur rebondeur de la rencontre. 4 interceptions. Bon, après, gros temps de jeu, il y a prolongation. La prolongation. Gros Ouais, mais temps de jeu quand bon, même, il faut le produire. 49 minutes. Il faut le produire. Il faut le produire. Il faut le produire. On pourra juste critiquer son 0 sur 3 à 3 points. Bon, on sait que c'est pas le plus grand des shooters. Il n'a pas trop abusé des shoots à longue distance. Il y en a un qui a un peu abusé des shoots à longue distance, c'est plutôt OG Anunoby, 3 sur 10. Oh C'est pas ouais. exceptionnel. Mais 17 points, bon, ça passe. Mikal, 23 points, c'est plutôt correct. 5 sur 10 à 3 points. JB, bah voilà, JB phénoménal. Il aime jouer à Philadelphie, ça on le sait, 38 points. 3 sur 6 à 3 points, c'est plutôt propre. Mais voilà. Il a fallu passer par une prolongation. 5 pertes de balles. Ouais. Il a été bien défendu. On savait, en l'absence de Karl-Anthony Towns, que de toute façon, il aurait beaucoup de tick and shoot et qu'il fallait lui envoyer des joueurs en défense sur lui. C'est ce qui s'est passé. Mais il a réussi à produire, il a réussi à trouver ses opportunités de marquer. Sur le banc, bon, Campaign, 6 points en 7 minutes. Pas beaucoup de temps de jeu sur Campaign, c'était un petit peu surprenant. Ouais. Ok, JB a été bon au final, mais. Que 7 minutes pour le backup. Ah, on sentait que c'était un JB game, que Brunson devait faire gagner l'équipe et qu'il 22 voulait être pour sur le terrain McBride, pour donc gagner. Mais... c'est plus lui. 22 pour McBride, propre, très propre en plus. 13 points, donc là on retrouve un McBride. Un bon Precious, hein, Jericho Sims, c'était là pour le coup d'envoi, mais Precious. Il fait une bonne saison, hein. Il fait une bonne saison. Ouais. Bah, il est précieux, hein. Il est utile, notre Precious. Voilà, il nous fait un 10 points, 6 rebonds en 30 minutes. 3 contre. Voilà, une présence défensive. Le contre sur Maxi. Ouais, 3 contre. Non. Il a ce rôle de protecteur de cercle. Il n'est pas très grand. C'est non. Ça, peut-être, des fois qu'on peut lui reprocher. Mais bon, il ne va plus grandir à son âge. Hein. Mais Precious a ce sens de la protection du cercle, a ce sens de profil défensif. Quand il va nous mettre quelques paniers en plus, c'est du bonus. Ouais, Ce mindset, cet état d'esprit. Ouais, non, mais même, il a ce petit hook, tu sais, à 2-3 mètres, là, tu vois. Il n'en abuse pas. Hein. Il marche sur 6, c'est propre. Et qui marche pas mal, ouais. En ça, c'est un joueur, un role-player qui est utile dans le dispositif. Il peut dépanner en 5, même s'il n'est pas très grand. Il peut jouer sur le poste 4 en relais de OG. Il peut faire quelques moments des associations avec Karl-Anthony Towns. Ce n'était pas le cas sur ce match. Mais voilà, il a un profil qui est plutôt intéressant, polyvalent un petit peu sur ce côté poste 4-5. Donc là, il nous fait une belle sortie. Et donc, les Knicks s'en sortent. Mais ça a été compliqué. Derrière, retour à la maison. Retour de qui? De Dante. Bah non, il était blessé. Et puis d'ailleurs, on ne sait pas s'il finira la saison. Voilà. Et Julius, lui, était là. Petit Julius. Perd des ballons. Pas très bon. Mais un Anthony Edwards, pareil, qui a été plutôt discret en première mi-temps. Et en seconde, il s'est fait plaisir. Et là, ça a été un match plus compliqué pour les Knicks, voilà, encore une fois, parce que ça se termine par une défaite. Voilà. Un peu d'arme. Karl-Anthony Towns n'était pas là. Donc Jericho Sims, c'est pas la même chose. Hein. C'est 0,5 rebonds en 19 minutes. Et puis Precious, voilà, 6,9 rebonds en 36 minutes, pardon. Heureusement qu'on a un campaign à 18 points en sortie de banc, hein, parce que voilà, le banc McBride, ça rentre dans le rang à 4 points. Hugh Porty, bon voilà, et après il y a un petit peu de 2 minutes de garbage time, ça compte pas vraiment dans la rencontre. Non, ça compte pas. Mais Mikal en retrait sur ce match, là c'est dommage, on aurait aimé avoir un Mikal à une vingtaine de points, là on a JB à 26 points, mais des pourcentages un peu plus tirés par les cheveux, 9 sur 23, 3 sur 7, 5 passes, hein. Voilà, ça a été compliqué aussi dans cette dimension du jeu. Ces match-up n'étaient pas vraiment favorables, quoi. Ils lui ont mis du Jaden McDaniels dessus. Des fois, c'était... Même Conley, voilà. Ouais. C'est... Donc, c'était pas évident. Il a fait du mal quand il y a eu le petit Dillingham qui rentrait, le petit rookie. Mais sinon, après, ouais, c'était un peu plus dur, ouais. Un peu plus dur pour lui. Donc, un match un petit peu en deux temps avec un Denix qui... rentre bien dans la rencontre de mémoire, mais voilà, pareil, un moment bascule en seconde mi-temps où on a Anthony Edwards qui commence à rentrer ses shoots, là où il avait très mal commencé. Anthony Edwards, je crois que c'est 0 sur 5 ou 0 sur 6 en début de match, voilà, il a su régler la mire, il termine à quoi, 38 points Anthony Edwards, 36, ouais, 36 points, 13 rebonds, 36. 7 passes, voilà. Ouais. Voilà, on sent un joueur qui est d'un autre calibre aussi, un joueur de calibre All-Star, ça c'est certain, ah oui. On devrait le retrouver à San Francisco. Oui. Hein. Mais voilà, les Wolves ont tenu leur revanche. Julius Randle n'a pas fait un gros match, hein, clairement. Cette fois-ci, il a salué les copains en sortie de... Voilà, en repartant, forcément avec la victoire, ça passe mieux. et les Knicks s'inclinent face à ces Wolves. Le score, j'ai dit, quel était le score? 99 à 116. 99. Voilà, on sent qu'il manquait de scoring. Le 116 encaissé, bon, c'est à peu près dans les standards. On est plutôt dans les 111 ou un truc dans le genre. 112. Là, 99, ouais. On était en retrait sur la production offensive. Et c'était de quoi... C'était pas forcément de quoi nous rassurer avant de recevoir qui ça? Eh ben, les Atlanta Hawks pour le MLKD. On était dans la salle. On a kiffé, quoi qu'il arrive. Le match, certains l'ont qualifié d'ennuyeux. Bah, c'était un match accroché, mine de rien. Trae Young, quelle prestation en est-il nous livré? On a vu un bon Jalen Brunson sur cette rencontre. On a vu aussi le retour de Karl-Anthony Towns, fort heureusement, sur ces deux matchs qui étaient en back-to-back et qu'on a pu assister sur cette affiche du KNF Mecha Trip 2025. Karl-Anthony Towns était de retour. Ça a permis d'apporter un peu de contribution, même s'il n'était pas, on sentait encore à pleine possession de ses moyens, en pleine forme sur cette rencontre-là. Un Karl-Anthony Towns plutôt discret. Un Josh Hart, toujours bon. Mikal, plutôt pas mal. OG, je ne sais plus, j'ai pas la feuille de stats sur cette rencontre-là. 8 points, 9 rebonds, 2 interceptions. deux passes, pardon. Très très discret à 2 sur 4 au tir, 0 sur 1 à 3. Des pertes de balles par moment, encore Une un perte, petit peu frustrante. une perte de balles. Mais voilà, pas le rendement qu'on peut espérer de la part de OG, et c'est ce côté un petit peu montagne russe, un coup up, un coup down Après, pour non, OG. de notable, on peut noter une rotation à 9 Hey, avec pourquoi? 17 minutes de Precious, 12 minutes de Campaign, 20 minutes de McBride et 10 minutes de Chamette. Ouais, Payne qui a été bon, si je dis pas de bêtises sur cette rencontre. Ouais, du point. Bah, il n'y a pas grand-chose à remuer. Il n'y a pas grand-chose à C'est. remuer depuis là maintenant on est à mi-saison sur Cameron Payne. Hein. Franchement, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. S'il nous apporte cette dizaine, douzaine de points, des fois poussé un peu à 10-20 quand Ouais, à 18-20 quand il y a des 3 trois sur points qui 6. rentrent. 3 sur 6 à 3. Ouais, puis ce profil un peu défensif, intéressant, quoi, qui va gratter des rebonds, qui va faire des Ouais. interceptions. Voilà, c'est. On peut ne pas aimer le joueur parce qu'on préférait voir quelqu'un d'autre, mais il nous apporte cette petite contribution en Ah sortie de ouais. banc qui est plutôt intéressante. Donc en doublure de Jalen Brunson, voilà, ça permet de faire souffler et d'apporter du scoring, d'écarter le jeu parce qu'il y a ce petit shoot à 3 points particulier dans la gestuelle. Mais quand ça tombe dedans, bah il faut prendre, hein, faut Jacques prendre. Monclar dit que c'est un shoot à la égyptienne parce qu'il est Un peu de côté, de côté. ouais, et voilà, un peu en décalé. Mais bon, c'est son shoot, hein. Mika a changé de Et shoot en début de non saison. et puis il le met, hein, donc il le Ouais. maîtrise, donc il a pas Pas de regarder ses pourcentages sur la saison, mais voilà. Moi aujourd'hui, Campaign, ça me pose pas de problème, ça m'a jamais posé de problème depuis le début de la saison. Voilà, c'est quand il peut produire offensivement, apporter un peu de scoring en sortie de banc, c'est tout bénef pour les Knicks. Et voilà, du coup, les Knicks qui avaient quand même à cœur, et je pense que Jalen Brunson avait à cœur, surtout quand on se rappelle les déclarations qu'il avait tenues, vous savez, les petits dés lancés sur le Ouais. logo des Knicks. Il avait dit, ben voilà, si on veut pas que Trae Young joue un petit peu comme ça avec le public, joue célèbre de la sorte, eh ben il faut gagner. Il faut gagner, c'est sur le terrain que ça se passe. Et je pense que voilà, il avait envie de prendre un petit peu une victoire, et ça suffisait de défaites face aux Hawks. Il n'y avait pas Zachary Risacher. Bon, est-ce qu'il aurait Non, fait la différence côté Hawks? il est un peu blessé, le Zach. Ouais. Et on peut noter aussi que c'est Okongwu qui start maintenant côté Hawks, alors que c'était plutôt Capella en début de saison. Donc voilà, Tu il veux y a les eu un petit peu stats d'ajustement. de campaign cette saison? Allez, parlons un peu de campaign. On n'en parle pas assez souvent. Petit Cette campaign saison, donc moment. il est à 14 minutes, bon quasiment 15. Hein. Ouais. Il shoot à 3 à Pas beaucoup. 40%. Pas. Tu vois? 40%. 41, 40, c'est 400, 409, quoi. Donc 40, 41%, tu vois. C'est quand même pas mal. Hein, les pourcentages sont plutôt bons pour 7 points. Voilà, en sortie de banc. Quasiment 3 passes, voici 2,6. Écoute, c'est un rendement pour un backup, tu vois, qui sont plutôt Honnête, importants. correct. Voilà, le mec, en 15 minutes, il te sort un 7-3 à 41% à 3 points. Bah écoute, qu'est-ce que. Beaucoup disent, ah, je préférais voir Colec plutôt que Campaign. Mais ça, on verra peut-être l'année prochaine. Ouais. C'est un rookie, il a le temps d'apprendre, Voilà. de se faire un métier. On verra si Campaign poursuit l'aventure Onyx. Mais aujourd'hui, c'est un joueur d'expérience qui a eu quelques matchs de playoff aussi. Donc ça comptera Ah sûrement au oui, printemps. bien sûr. Donc oui, on pourrait développer un rookie plutôt que de faire Campaign, jouer un vétéran comme Campaign. Je mets beaucoup de c'est guillemets derrière ce que je dis. 58 matchs de playoff dans sa Mais c'est carrière. une expérience qui compte. C'est une Voilà. expérience qui compte. Et il y a ce petit côté vicelard chez Campaign qui nous manque un peu des fois chez les Knicks. On se Il reproche a une peut-être tête. le côté lisse, propre des Knicks, Il a une trop tête. gentil garçon. Il a une tête de con, Voilà. hein, on peut le dire. Hein. C'est vrai que. En Non, d'autres termes, un peu celui qui va c'est faire vrai, des hein. coups un peu tordus. Alors ça sera souvent des fois des fautes qui vont être sifflées, mais il y a besoin un peu de ce type de caractère Ouais, des mais tu fois. sais, comme Josh Hart, tu sais, c'est, tu sais, ils vont s'haranguer par le, tu sais, par le truc, par la faute, par le, tu sais, ça va les galvaniser, quoi, ce contact physique, tu vois, Ouais, ouais. ça leur fait du bien, quoi, c'est les Spartiates, quoi, ça les. Ils ont besoin de ça, ils ont besoin de ce côté un peu physique dans le jeu, même si c'est pas non plus ceux qui vont montrer les pecs comme ça, mais voilà, Non. vous avez compris le type de joueur, et bah voilà, on a besoin aussi d'avoir ce type de joueur des fois qui rentre un petit peu dans le short, dans la tête, dans la peau des arrières adverses. Donc voilà, un profil intéressant, faut pas négliger l'apport qu'il peut avoir. Hey, Tyler Colec, il a du QI basket, mais c'est un profil différent, donc on prendra son temps de le développer. Nul doute que si Thibodeau apprécie le joueur, il saura le garder s'il n'y a pas un trade d'ici là. En tout cas, c'était un match assez tôt pour le MLKD, c'était assez tôt à New York et c'était très bien. Ça nous a permis de profiter de la soirée derrière et les Knicks s'en sortent victorieux. Je ne sais pas sur le bilan des MLKD si c'est positif ou négatif au niveau des Knicks, mais ça, on regardera ça un peu plus tard. En tout cas, voilà, nous, un match qu'on a plutôt apprécié au Madison Square Garden. Alors, on ne vit pas les matchs de la même façon quand on est devant son poste de télé que quand on est en plein dans la salle. En plus, on a pu fouler le parquet du Garden derrière, donc c'était encore plus de souvenirs appréciables pour nous. Mais voilà, un match serré, un match accroché et une victoire au bout. Bah, nous, on était contents. On était contents. C'était très familial, le public. Hein. C'était des jours fériés aux États-Unis. Donc, les chants F, Trae Young, ça s'est pas trop entendu. Ça a été plutôt propre. Les gens se sont bien tenus. Voilà, les animations étaient plutôt gentillettes. Mais voilà, on a su aussi, on a vu aussi un moment un petit peu Mikal qui se fritait un petit peu avec des joueurs. On a vu Karl Anthony Towns aussi se donner un peu en défense sur Trae Young. Voilà, il y avait un côté, les Knicks ne vont pas se laisser faire et ils veulent la victoire et ils l'ont eu. C'est pas avec le plus gros écart, c'est pas un blowout, c'est pas une victoire écrasante de la part des Knicks, mais c'est une victoire quand même et ça compte. Le score final de cette rencontre, 119 à 110, c'est très bien. Victoire des Knicks qui permettait de se rebondir et de se relancer après la défaite face aux Knicks. En tout cas, sache que les New York Knicks sont l'équipe qui a joué le plus de matchs pour le MLKD. Voilà. Ils en ont joué 38 devant les Lakers qui en ont joué 34. Ensuite vient Philadelphie avec 33, les Atlanta Hawks avec 33 aussi, suivi des Washington Wizards avec 33. Donc tu vois, les Knicks jouent et aiment jouer. Alors après, j'ai pas la stat sur le nombre de victoires. Mais, c'est 23 victoires. 23 victoires sur 38 matchs. Bilan positif. Ouais. On aura vu la 23e. C'est très bien. C'est très bien. Martin Luther King, si je ne dis pas de bêtises, il est d'origine de Memphis. Si je ne dis pas de bêtises. Et donc, c'est pour ça que dorénavant, il y a un peu plus les Grizzlies à l'affiche. Mais voilà, en tout cas, un moment intéressant. Ouais, je crois que il est né à Atlanta et il a été assassiné à Memphis. Ouais, voilà, c'est ça. Il y avait une histoire de Memphis qui comptait dans et Atlanta, bah voilà, on avait la fiche parfaite pour le MLKD. Derrière donc back to back, on avait peur parce qu'un back to back en ce moment, les Knicks, on a eu peur. On a eu peur, on s'est déplacé à Brooklyn, c'est pas la même salle, hein. Franchement, moi, si je devais comparer entre le Garden et le Barclays, je mets le Garden tous les jours devant, on est d'accord. Après, elle semble assez moderne quand même, là. Ouais. Non, mais outre le fait... Non, mais au-delà de la forme futuristique, le Garden, depuis sa rénovation, n'a plus rien à envier, clairement... aux salles modernes NBA, quoi. On est très bien installé, les coursives avec tout un tas de commerces et de stands de nourriture sont très très bien. On est sur une atmosphère plus sombre, plus noire. On est sur une charte graphique complètement différente chez les voisins des Nets, c'est-à-dire nos amis, je sais pas si on peut dire nos amis, mais bref, chez les voisins des Nets, on a été bien accueillis, on a pu assister au pré-game shoot-around, très intéressant. Que les New York Islanders en hockey ont joué dans cette salle en attendant en fait d'avoir leur nouvelle salle. Et en fait, dans la configuration hockey, il y avait des places qui ne te permettaient pas de voir l'entièreté en fait de la patinoire. Dommage. En fait, ouais, ça passait un peu par-dessous. Et en fait, si tu étais installé sur ces places-là, en fait, tu ne voyais pas une partie du terrain de jeu. Marrant. Il fut un temps, je crois que c'était le Mecha Trip numéro 2, donc plutôt 2018, où on avait assisté justement avec une partie du groupe à un match des Islanders, qui joue en orange et bleu. Bien sûr. Voilà. Ouais. Et au Barclays Center, donc c'est une atmosphère différente. Forcément, il y a une patinoire blanche qui rajoute de la fraîcheur et aussi qui apporte de la lumière de par la réflexion de la lumière. Mais effectivement, ouais, c'est une salle différente. Ça permettait de tester un derby. Il y avait beaucoup de Knicks fans, forcément. On était placé plutôt haut et voilà, on avait un public plutôt jeune. Donc c'était intéressant à voir. Spike Lee, forcément, était du déplacement. Il était quasiment chez lui, hein, on est d'accord. Ses locaux sont juste à côté. Et on a eu un match très accroché, compliqué pour les Knicks. Oh. Ils se sont empêtrés dans un match où, offensivement, ça a été compliqué. Ça rentrait pas. Et on a eu peur à un moment, sur la fin, de se dire, mais on va être capable de le perdre. Oui. Fort heureusement, non. Il y a une happy end à la fin pour nous, Knicks fans. Ça aurait été un petit peu dommage de se faire chambrer par les quelques Nets fans présents dans l'assemblée. Mais ça s'est terminé par une victoire. Mais voilà, une victoire encore plus au forceps. Le score final, il est de 99-95. Petit scoring, Jalen Brunson qui est resté longtemps scotché à 9 points dans la rencontre. Oui. Il était en galère, il n'était pas en réussite, c'est pas qu'il était très bien défendu, parce que voilà, il n'y avait pas non plus une grosse défense de la part des Nets, mais ça rentrait pas. Donc je sais pas toi comment t'as vécu le match. Chez nous, on n'était pas serein. Non, c'était un drôle de match, hein. C'était vraiment un drôle de match. Un petit peu peur de cette défaite. On savait que les back-to-back, on avait un peu de mal à les gérer. Le retour de Mikal Bridges à Brooklyn, pas fameux. Hein. Ouais, 10 points à 2 sur 6 au shoot, 3 sur 13 pardon, au shoot. Il n'y a pas eu de vidéo hommage. Hein. C'est pas ça qui l'a chamboulé émotionnellement avec ce retour. C'était son premier match, hein, il faut le dire, à Brooklyn depuis son trade. Il a croisé les anciens fans, il a fait des photos avant, mais... Pas en réussite, quoi. Pas terrible. Donc c'est vrai que tout de suite, le duo Bridges Brunson Hart, c'est 10, 17 et 7 points. Donc c'est vrai que ça tourne un peu au ralenti. Towns nous a fait un gros match avec 25 ouais. points, 16 rebonds, 6 passes, 2 contre, 3 vols de balles. Là le pouce allait mieux. Mais un 0 sur 3, à 3 points. Voilà, donc on s'est fait peur. Cette équipe des Nets était valeureuse, hein, avec un D'Angelo Russell à 23 points 10 passes, avec un Cam Johnson à 16 points. 16 points. Je crois qu'il manquait par contre Cam Thomas n'était pas là. Et fort heureusement. Plus qu'il a tendance à prendre chaud, à des coups de chaud. Ouais, et puis il aime bien jouer contre les Knicks aussi. Donc, match piège dans tous les aspects du jeu. Ouais, parce que les Knicks se sont un peu perdus et Kat aussi sur des je réclame des fautes qui des fois mériteraient d'avoir lieu, hein, parce qu'il prend beaucoup de contacts de coups. C'est un grand pivot et généralement ils sont plus souvent enclins à, c'est pas grave, tu exagères le contact, mais souvent comment il s'appelle, Karl Anthony Towns termine au sol ses drives. Ouais. Il est accroché, il est mobile, il joue justement de son envergure, mais ça le dessert Il y a aussi toutes ces fautes offensives débiles, des poses d'écran bizarres, en mouvement, ça décharge, c'est un match, deuxième match de reprise. Quand il poste, non mais je te parle pas. Il en fait régulièrement. Je te parle même depuis le début de la saison, c'est-à-dire que il se fait régulièrement siffler ses poses d'écran et ses postes avec le coude dans la gueule. Donc c'est vrai qu'il y a il y a des fois des matchs où il va nous rapporter 2-3 fautes offensives qu'on pourrait s'éviter en fait. Et et notamment il y a le match où on est en train de... c'était le match récent, hein. C'était contre les Pistons justement, où on est en train de faire le forcing pour revenir, on a la balle. Pourquoi pas revenir dans la dernière minute et puis nous faire cette pause d'écran. Alors, certains disent qu'elle aurait pu être non sifflée. Elle est sifflée. Et c'est vrai que c'est du Towns dans le texte. Donc, c'est du Towns qui fait des fautes. Il en faisait beaucoup. C'était un peu son péché mignon de son temps des Wolves. Il continue de les faire, quoi. Donc, c'est dommageable. Lui, s'en sort pas trop mal sur ce match face aux Nets, mais oui, c'est voilà une victoire hein, tirée par les cheveux. Bon, c'est une victoire. Une victoire et à la fin, elle marque. Et en back-to-back. Et donc, on va la prendre. Quand même marquée dans la colonne win. Donc, ça. Voilà. À la fin de la saison, on la considérera comme une victoire, comme toutes les autres. Voilà. Elle passe et une partie. Victoire en back-to-back. Heureusement que c'était les Nets. Ça aurait été une autre équipe. Clairement, pas sûr qu'on la prenne. Non, je pense pas non plus. Clairement pas sûr qu'on la prenait. En termes de production du banc, toi qui as le box score sous les yeux, qu'est-ce que tu notes en particulier sur ce match? On a donc Precious Achiuwa avec 18 minutes, 11 points, 4 rebonds, un vol de balle. On a un McBride voilà, à 7 points en 18 minutes. Et puis Campaign et Landry Shamet, 9 et 6 minutes pour 2 points et 0 points. Voilà. D'ailleurs, Shamet n'a pris aucun tir. Donc. Voilà. Et Campaign bah, a mis ses 2 points sur lancer franc, sinon c'était du 0 sur 2. Pour ce qui est du Shamet Game, et bah, il faut se référer au match, au dernier match, parce que Shamet. Et celui-là, tu sais que celui-là, il y a à dire hein, sur ce match. Ah, il y a beaucoup à dire. C'est le dernier match, donc il est un peu plus frais dans nos esprits. Le jet lag nous a permis de le regarder quasiment en temps réel, parce que voilà, de toute façon, le sommeil n'était pas là. Mais en tout cas, on a un Shamet Game sur ce match-là. On a un match qui est une victoire au retour au Garden, clairement plus facile. 143 points inscrits par les Knicks. On est pas mal en termes de production offensive. Alors oui, 120 points encaissés. Mais bon, là, on ne peut pas en mettre 143 et... et tenir l'adversaire sous les 100. Shamet, 9 points, hein. Il a eu un bon petit passage en première chaud, mi-temps. Il a été chaud dans le deuxième quart. Dans le deuxième quart, il a été très chaud. Il a été très chaud dans le deuxième quart. Lorsqu'il a été remis en jeu sur la seconde mi-temps, bah non, c'était plus le même Shamet. Mais en tout cas, il a eu sa bonne production sur son passage en première mi-temps. Qu'est-ce qu'on a sur ce match? Bah, on a 33 points de Oji Anunoby. Ah ouais, il avait choisi son match. C'était son match. 12 sur 18, 4 sur 7 à 3 points, voilà, 3 rebonds, c'est jamais le plus gros des rebondeurs. Karl Anthony Towns, un double-double à 18 points, 15 rebonds, juste 0 sur 1 à 3 points, il n'a pas forcé, il n'a même presque pas shooté à 3 points. Karl Anthony Towns est en délicatesse avec son shoot à 3 points depuis son retour de blessure, je crois qu'il a 0 sur 9 en cumulé. Ouais. Voilà. Forcément, quand on a joué au basket et qu'on sait qu'on a un doigt qui est blessé, ce fut le cas me concernant, eh bien on shoot pas pareil, on prend pas le ballon avec la même préemption, et puis voilà, en NBA, toutes les prises de décision se font rapidement. Donc voilà, on va lui laisser du temps pour retravailler son shoot à 3 points, retrouver de la mobilité par rapport à son pouce. Un pouce, c'est pas un doigt qu'on strappe non plus de la même façon que les autres doigts, donc voilà. Ceci explique peut-être cela, mais ceci dit, il y a quand même une production, et notamment au rebond. Sur ce match, on a un Josh Hart qui nous refait encore un triple-double. Ah. Et là, un triple-double avec 20 points. Oui, monsieur, mesdames, 20 points de Josh Hart. C'est assez rare pour le signaler. 18 rebonds, meilleur rebondeur devant Karl Anthony Towns, côté Knicks. Et on se passe, formidable, on se passe. C'est aussi on se passe pour Jalen Brunson, qui va avec ses 25 points. All-Star, les deux All-Star titulaires ont été mis à l'honneur, forcément, parce que c'était le premier match depuis qu'on savait qu'ils étaient All-Star titulaires. Jalen Brunson, c'est sur ce match qu'il reçoit son trophée aussi, parce qu'il a reçu un trophée, on n'en a pas parlé, par rapport à son engagement pour la communauté. Donc Jalen Brunson, il est sur tous les fronts. Un bon match de Jalen Brunson aussi, voilà, des bons pourcentages. Toi, qu'est-ce que tu... Et puis, bah, Mikal Bridges, enfin... Ouais, en gros, le starting 5, il régale. 27 points de Mikal, 5 sur 7 à 3 points, donc on est sur des bons pourcentages. Et 7 passes, c'est assez rare pour le signaler, hein. Mikal, il fait des passes, hein, il trouve souvent ses coéquipiers, mais là, il y en a quand même 7, donc c'est plutôt intéressant. Quand on a le starting 5 d'Enix en double digit et quasiment à 20 points tout le monde, il n'y a que Karl Anthony Towns qui est à 18. Voilà, qu'est-ce qui peut tenir cette attaque des Knicks, je pense pas grand chose. Et puis on le sait, les Kings, c'est pas non plus la meilleure des défenses de la ligue. Sabonis, il a beau être bon, il a beau faire des triples doubles, bon, défensivement, il laisse souvent ses adversaires un petit peu prendre leur dessus. On se souvient entre autres de Julius Randle qui aimait bien jouer contre Sabonis. On se souvient de Archie Barrett qui aimait bien jouer contre les Pacers de l'époque de Sabonis. Bon, voilà. Qu'est-ce que toi tu as retenu sur cette rencontre qui, voilà, a vu les Kings par moments s'accrocher, mais finalement être toujours un petit peu derrière New York et les Knicks maîtriser leur sujet. Qu'est-ce que toi t'en as retenu de ce match face aux Sacramento Kings? Deux matchs, deux matchs dans le match. La première mi-temps, donc les deux premiers quarts-temps, j'ai trouvé qu'on manquait d'agressivité en défense. D'ailleurs, j'avais même tweeté là-dessus en disant que ça serait bien un peu de défense côté Knicks parce que on se faisait ouvrir à l'intérieur et ça en était gênant. Deuxième mi-temps, beaucoup mieux. La deuxième mi-temps a été vraiment beaucoup mieux. Un match où, première mi-temps, on avait plus un OG qui était prépondérant. Et Mikal a pris le relais en deuxième mi-temps. J'ai retenu aussi que la match-up était quelque part plus favorable quand Precious Achiuwa jouait. Et il a fait un excellent quatrième quart-temps. Il a fait un ex et d'ailleurs il finit le match avec le box plus minus plus 27, le meilleur du match, le meilleur de tous. Et il a fait voilà, Tom Thibodeau a vu que Kat était en difficulté tout simplement. Et d'ailleurs Kat a joué le garbage time, il a quasiment pas joué du quatrième quart. Et Precious a fait un excellent match en sortie, notamment dans sa confrontation avec Sabonis. Plus véloce, plus rapide que Cam. Ça se voit pas forcément dans les stats, puisqu'on est 4 points, 5 rebonds, 18 minutes. Voilà, c'est pas exceptionnel. On a vu un Precious plus productif en termes de stats. Mais il a joué. Mais effectivement, en termes d'opposition, en termes de mobilité, de protection d'arceau, rim protecteur. On a vu un bon Precious. Ah ouais. Ils sont souvent bons, ces passages. Ils sont souvent bons. Et puis voilà. Et puis un banc, tu vois. Donc un Chamet à 13 points. À 13 minutes, pardon. Un McBride à 17. Un Campaign à 10. Et un Precious à 18. Donc une rotation, encore une fois, à 9. Avec, en moyenne, une quinzaine de minutes par joueur sorti du banc. Eh bien, écoute, c'était que du positif. Et cette deuxième mi-temps m'a beaucoup plu dans l'envie, dans ce qu'on a montré. Et puis, bon, Josh Hart, quoi. 20 points, 18 rebonds, dont 7 offensifs. Je ne sais pas si on se rend compte de la dinguerie que c'est. Avec 2 blocs. Enfin, voilà. Donc, écoute... Il n'y a rien de plus à dire. Certains parleront peut-être des minutes, mais on va pas rentrer là. Non, mais non. On a compris. Dixième triple-double en carrière. Et alors Knicks pour Josh Hart. Alors justement, 12e triple-double. Je crois que c'est son 6e depuis le début de la saison. Et c'est simple, là maintenant il a Richie Guérin dans la ligne de mire, puisqu'il est le 3e avec 16 triple-double. Donc bon, il lui en manque 4. Hein. Alors, sachant que c'est assez marrant, c'est-à-dire qu'il a fallu 151 matchs à Josh Hart pour faire 12 triple-double. Il a fallu 518 matchs à Richie Guérin pour faire 16 triple-double. Autre époque. Il a fallu 315 matchs à Michael Ray Richardson pour faire 18 triple-doubles. Et enfin, il a fallu 759 matchs à Walt Frazier pour faire 23 triple-doubles. Donc, est-ce que Josh Hart va dépasser tout ce beau monde sachant que en Josh continuant Hart quelques saisons au Knicks et sous contrat jusqu'au Knicks jusqu'en 2028? On pourrait avoir en Josh Hart le meilleur triple-double all-time. En tout cas, il est sur une lancée. C'est pas improbable. Il est sur une lancée. En tout cas, il est sur cette lancée, il est sur cette trajectoire-là. Voilà. On lui souhaite de continuer de produire autant. Cette saison, en tout cas, il se régale. Et puis, c'est pas les joueurs derrière qui vont le rattraper, puisque Julius Randle est plus chez nous avec 8 triple-doubles. Mark Jackson a arrêté sa carrière, tout comme Jerry Lucas, Ray Williams et Emmanuel Quickly. Finit lui quasiment le top 10 avec Walt Bellamy et Quickly est au Raptors. Donc dans ce top, derrière lui, il y a 2 joueurs encore en activité mais qui ne jouent plus en Orange and Blue. Donc Josh Hart, là maintenant, il a ce trio tête objectif qui n'est pas inaccessible. Hein, et alors certains se mettent à rêver en se disant allez, il nous reste un peu plus de 35 matchs pour finir la saison. Est-ce qu'il n'irait pas aller chercher le record dès cette saison? Je pense que ça va quand même être compliqué, mais moi personnellement, je pense qu'il peut aller chercher le top 3. Je pense qu'il peut détrôner Richie Guérin à la troisième place avant la fin de la saison. Ouais, il lui en manque 4, allez, 5 pour le dépasser, 4 pour l'égaliser. Je pense qu'il peut le faire. Je pense qu'il peut le faire. Affaire à suivre, en tout cas, on prend note. Mais ça serait un sacré record. Ça serait un sacré record. Après, on verra. On verra. Peut-être qu'il va retourner sur le banc si Mitch revient. Allez, on verra. On verra. C'était notre grosse rétrospective sur les 6 matchs. Un bilan de 4 victoires, 2 défaites. Ouais. C'était pas ce que j'avais pronostiqué. Oui, pas exactement ces défaites-là. Mais si, je dis pas de bêtises. Moi, j'avais dit 3-3. J'avais dit 3-3. T'avais dit 3-3. Et on n'a pas été loin de l'accident industriel. Face aux Nets, on n'était pas loin. Tout à fait, tout à fait. Mais la KNF était là pour soutenir cette équipe, pour la supporter, et je pense qu'on leur a porté chance, même si on n'était pas très très fiers de ce gradin du Barclays Center. Et les Knicks ont un bilan similaire à la maison ou à l'extérieur, avec 15-8 pour chaque confrontation, que ce soit... On voyage aussi bien qu'on reçoit. Exactement. Bon, ça serait bien de mieux de recevoir différemment, et être un peu plus maître de chez nous à la maison. Il y a encore des matchs qui vont se jouer à la maison. Les Boston Celtics, c'est 15-8 aussi à la maison. Donc Milwaukee c'est 16-7. Donc, tu 15-8 vois, les Celtics ont perdu 8 matchs à la maison. Ouais. Ah ouais. Comme quoi, Cleveland, ouais. Cleveland par contre c'est 21-3. Voilà. Ils se font respecter dans l'Ohio, on est d'accord. Bon, c'est le moment pour nous d'attaquer la rubrique fin de rétrospective, le Nick of the Week sur KNF TV. Jamais facile sur 2 semaines. Et en même temps, on a vu des belles performances. Est-ce qu'il y a eu des records? Pas vraiment. Oui, il y a eu du triple-double. Josh Hart, il en fait tout le temps. C'est fatigant. On verra qui sera notre Nick of the Week. Enfin, of the Year, peut-être. On verra aussi. On a des All-Stars qui ont été honorés. 2 All-Stars titulaires. Bon, c'est un vote de popularité, mais c'est aussi des joueurs qui performent. Sur le banc, bon, Campaign a fait quelques petits matchs, Chamette aussi, mais pas de là non plus à gratter un trophée. Mikal, il y a eu du chaud et du froid. OG, pareil. Bon, du coup, ça va se jouer entre qui et qui. Sûrement entre notre 2 All-Star. Et on a décidé, pour notre retour de New York, de le décerner à Jalen Brunson. Et oui, Jalen Brunson... Voilà, 5000 points aussi en carrière aux Knicks. On va en parler je vais en parler de ça. Ça, c'est quand même un cap aussi, une milestone importante. Ce petit trophée pour ses actions caritatives aussi, c'est important. Et puis voilà, on a aujourd'hui, en la personne de Jalen Brunson, le meilleur scoreur des Knicks cette saison. Hein. Ça se joue un petit peu à pas grand-chose avec Karl Anthony Towns, mais il est repassé devant depuis quelques rencontres déjà. Nous, on a eu l'occasion de le voir à New York et on a eu l'occasion de voir comme quoi c'était un joueur qui prenait ses responsabilités, qui était clutch quand il fallait faire gagner l'équipe. Il y a encore de belles performances sur cette quinzaine avec un match à 38 points à Philadelphie. Voilà, tout ça fait que Jalen Brunson, peut-être surprise, mais bonne surprise sur cette histoire de meneur, de All-Star titulaire. Mais voilà, c'est quand on parlait de franchise player, quand on se demandait si Karl-Anthony Towns prenait pas un petit peu l'ascendant au niveau de l'organisation de l'équipe et du jeu offensif, et ben non, Jalen Brunson, il est toujours là. Il est toujours là dans un rôle de taulier, dans un rôle de franchise player. Et cette semaine, et cette quinzaine en tout cas, nous fait lui décerner en plus ce trophée de la part de KNF TV. Un de plus sur la cheminée, il sera content, il verra ça avec madame. Et alors juste petit... qu'il nous envoie l'adresse qu'on lui envoie en mode relais. Ouais, qu'on lui fasse suivre ce trophée en époxy. Quoi. Voilà. Et toi, qu'est-ce que tu voulais rajouter sur ce Jalen Brunson qu'on n'aura pas déjà On parlait beaucoup de son shoot. Son shoot à 3 est revenu. Alors vous allez me dire, ok, mais contre Détroit, il fait un 1 sur 7. Ok. Ouais, mais derrière, ça suit avec un 3 sur 6, 3 sur 7. 3 sur 5, 1 sur 4 et 4 sur 6. Donc, on a quand même de très bons pourcentages aussi au shoot normaux. On a eu 2 matchs à plus de 10 passes. On a un GB qui redevient le général sur le terrain. Alors, comme on en parlait un petit peu tout à l'heure en off, c'est vrai que par moment, il retombe là, en tout cas sur... ces deux dernières semaines, 3 dernières semaines, voilà, sur donnez-moi le ballon, je m'occupe du reste, un peu comme l'année dernière. en oubliant que désormais c'est naturel, il revient au galop. Il a un partenaire All-Star à côté de lui en la personne de Karl Anthony Towns. Et des fois, Towns est là juste pour lui poser un écran et bisous ma poule. Donc voilà, des fois il y a un petit peu ça. Mais bon, tant qu'il nous fait gagner, moi j'ai rien de plus à dire là-dessus. Sauf que donc, comme on l'a dit, c'est devenu le Knickerbockers qui a atteint les 5000 points le plus rapide de l'histoire. Avec, c'est simple, il a fait donc ses 5000 points en 190 matchs. 190. Voilà, 5000... Un match de moins que Bernard King ou Melo. Voilà, et il faut savoir que donc le quatrième meilleur scoreur de New York est Alan Houston. Et lui, donc, il les a fait. Il a fait ses 11165 en 602 matchs. Ouais. Donc, tu vois, et quand tu regardes un petit peu le nombre de points marqués par Jalen Brunson en saison, on est sur une base sur les dernières saisons. Par exemple, l'année dernière, il a fait des stats que Alan Houston n'a jamais fait, en tout cas en nombre de points, en volume de points. L'année dernière, il marque 2212 points en saison. Celle d'avant, 1633, et celle d'avant, 1285. Là, il était à Dallas, donc ça compte pas. Mais sinon, cette année, à mi-saison, il est déjà à 1167 points marqués. Hey, 1167 points marqués. Que quand Alan Houston était au taquet chez les Knicks, ses bonnes saisons, elles étaient entre 1500 points et 1600 points. Tu vois, en moyenne, Alan Houston, sa plus grosse moyenne en scoring à New York, c'était... C'est un plus grosse moyenne de scoring. Elle est à la saison 2002-2003. Elle est à 22,5. Ouais, JB à 25 aujourd'hui. Quoi. Voilà. Et quand il est... combien la saison dernière, donc... Quand il est All-Star, les deux fois, donc en 2000 et en 2001, il est à 19,7 et 18,7 points de moyenne. Les gens se souviennent souvent du contrat d'Alan Houston. On oublie les qualités de scoreur qui étaient les siennes. Il était magnifique. On oublie les qualités de scoreur. Mais JB, c'est un gros scoreur. Et même avec l'arrivée de Karl Anthony Towns, on aurait pu se dire « Ah, sa production offensive va diminuer ». Eh ben non. Et le top 10. Il s'est adapté, mais il est toujours là offensivement. Le top 10, donc t'as Bill Bradley avec 9217 points. Dick Barnett, 9442 points. Earl Monroe, 8679, tu vois. Et donc, ces mecs-là, je me dis que dans 3 ans, il va leur passer devant. Ils sont potentiellement à portée de tir. Et après, donc, le top 7, on croise les doigts pour que JB reste au Knicks, que sa santé suive. Pas de raison. Mais en tout cas, il est parti sur une très bonne base vis-à-vis des Knickerbockers. Carmelo est à 10186. Et puis après, voilà, Richie. Carl Brown, tu vois, le Carl Brown qu'on a parlé sur les All-Stars, bien sûr. Régulièrement. Cinquième meilleur scoreur de l'histoire des Knicks avec 10449 points. Et puis bon, par contre, Patrick Ewing est intouchable avec ses 23665 points marqués pour New York. Il a fait toute sa carrière à New York. Oui. Ce qui s'est passé après, Seattle et Orlando n'existent pas. Tu vois, mine de rien, les Nova Bulls, dans les prochaines saisons, auront leur place dans les livres des records des Knicks. Déjà, on en a un. Dante a la place, hein. Il a gratté la place de Evan. Josh, lui, s'occupe des triples-doubles. Et JB, ça sera du scoring. Et bien sûr, des bacs de champion. Mais ça, il y a tout sabé. Toi-même, tu sais. Bon, c'est notre rétrospective. Voilà, c'était un petit point sur... Retour de New York sur JB, qui est une des plus belles signatures de free agent de l'histoire des Knicks. Alors Alan Houston était aussi une signature de free agent. Mais Jalen Brunson, c'est vrai qu'après on avait eu Amaré, mais bon, ça a été assez court dans le temps. Et puis il arrivait déjà plus de poids âgé. Là, c'est vrai que Jalen Brunson, un petit gars drafté en deuxième tour, qui fait sa place bon an mal an à Dallas jusqu'à arriver à percer dans sa dernière année. Et puis il vient à New York, on prédit qu'il aura du mal par rapport au marché, on dit qu'il est surpayé, et puis le gars, il prend le posthume, il le met. Non, non, regardez les gars. Ah ouais. Regardez le gars. Il est franchise player sans contestation. Le costume est hyper bien taillé. Regardez les gars. Non, non, il tombe bien là à la main. Pas de problème. Perfect fit. All-star. Et puis surtout, tu vois, c'est qu'on se dit des fois de joueurs, le révélateur, c'est les playoffs. Ouais. C'est un joueur qui, en playoff, a supporté l'équipe, a su faire gagner l'équipe. Donc là-dessus, moi, je vois pas... il a déjà passé le test deux fois de saison. Moi, je vois pas, comment on pourrait avoir un problème, Jalen Brunson. Moi, je vois pas comment on pourrait avoir un problème, Jalen Brunson. Et je vois pas qui d'autre on pourrait préférer à la place de Jalen Brunson. Genre, si aujourd'hui, tu dois prendre un meneur dans la conférence S pour bâtir ton équipe. Ah, on l'a déjà fait, celle-là. Vous avez qu'à regarder l'épisode d'avant. Allez, nous on va regarder le programme de la semaine, parce que les Knicks ont gagné des matchs, il y en a encore d'autres peut-être à gagner. On va regarder ça tout de suite, on regarde le programme de la semaine qui se présente au Madison Square Garden. Oui, oui, c'est ça. Allez, c'est parti, le programme de la semaine. Ah, vous ne saurez pas ce qui se passe en coulisses, mais tout n'est pas si facile derrière ces écrans. Alors, restons pro jusqu'au bout. Et déjà, restons pro jusqu'au bout, un petit point sur le classement. Voilà, comme vous le savez maintenant, on regarde un peu plus régulièrement le classement. Bah, les Knicks sont toujours bien installés sur cette troisième place de la conférence Est. Et ça se rapproche. Ça se rapproche de quoi? De la deuxième place, parce que oui, pendant ce temps-là, bah, les Boston Celtics, ils perdent des matchs. Hein. Bah ouais. Ils sont que à 32-14. Les Knicks à 30-16, c'est pas si loin. Heureusement, les dernières victoires ont permis de garder les Milwaukee Bucks un petit peu dans le rétro, 25-18. Les Cavs, ça va être compliqué d'aller chercher tout ce beau monde, hein. On a quand même 7 matchs de retard sur eux, mais voilà, en tout cas, la deuxième place, elle est peut-être pas encore complètement entérinée. Et on finit le, ouais. Et on finit le top 6 avec Pacers et Pistons. Voilà, et Pistons. Le Magic est tombé. Ensuite, les Pacers, semble-t-il, étaient à Paris. Je crois, je suis pas sûr, parce qu'on a beaucoup entendu parler d'une équipe et pas du tout de l'autre. Non. Voilà, oui, il y avait les Spurs jouaient solo, mais il y avait les Spurs qui jouaient tout seuls sur un terrain. Il me semble que les Pacers étaient à Paris aussi. Hein. Visiblement. Si vous les avez vus, n'hésitez pas. En tout cas, vous avez entendu parler d'eux, n'hésitez pas. une équipe habillée en couleur de la poste, hein, mais je crois qu'ils étaient à Paris. Je crois qu'ils ont gagné un match d'ailleurs. Ah, comme il faut, on n'a pas trop entendu parler de cette victoire. On a plus entendu parler du match 1. C'est bizarre ce traitement médiatique, mais bon, je ne vais pas dire dédicace aux fans des Pacers, hein, on ne va peut-être pas pousser le bouchon jusque-là, mais ils font un petit remontée, on va dire, dans la conférence Est. Les Magic, au contraire, qui stagnent un petit peu, le Heat, voilà. Il est empêtré dans les histoires Butler, qui est à nouveau suspendu, donc pareil, hein, il va y avoir... De toute façon, là, on va être dans... Là, on arrive... On approche de la deadline. La deadline, c'est le 6 février. Donc, on est à 10 jours à peu près de tout ça. Dans une semaine et demie. Il y a des choses qui vont se décanter. Il y aura le break du All-Star aussi. Moi, j'estime que Philadelphie va remonter. En plus, là, il y avait un match très important contre Chicago et ils l'ont pris. Ils sont toujours derrière Chicago, mais à 4-2 matchs, 4-2 victoires. Ils sont à 17-27, là où les Bulls sont à 19-27. Mais... les Bulls, on parle beaucoup d'eux dans des trades, c'est-à-dire de Vucevic partirait, Lavine partirait, comment il s'appelle là, leur Patrick Williams. Donc, le futur Kawhi Leonard. C'est ça, le futur ex Kawhi Leonard. Non, ça c'était Okoro aussi. Okoro c'était le futur Kawhi. Moi je pense que eux vont remonter, tu vois. Et je pense qu'ils peuvent aller chercher même la 9e place, Philadelphie. Je pense que ça va rebooster. Leur objectif, c'est de se glisser en play-in pour essayer d'accrocher après les playoffs. Et attention après. Moi, Philadelphie, attention après. S'ils arrivent à rentrer dans le play-in et à jouer le play-in... C'est pour ça que cette place de numéro 3, elle est peut-être pas si mauvaise. Parce que je ne veux pas dire qu'on aura peur de jouer Philadelphie au premier tour si on terminait par chance deuxième. C'est ce qui s'est passé la saison dernière. Et on a réussi à écarter les Sixers. Voilà, compte tenu de leur saison compliquée et compte tenu de la façon dont les Knicks se sont renforcés, moi, Paul George ne me fait pas spécialement peur. Joel Embiid, on ne sait pas dans quel état il serait. Mais voilà, on a quand même de quoi rivaliser face à ces Sixers. Mais voilà, ça peut embêter des équipes. Donc, méfiance à voir. Ouais, non, c'est... Alors, la deuxième partie de saison va être intéressante, ouais, ça, c'est certain. Je pense que voir comment ça se rééquilibre, ça se décante, ça se décide sur ce play. Je pense quand même que t'as un, tu vois, je pense que t'as un top 3. Derrière, tu vas avoir 4, 5, 6, 7 qui vont se jouer entre Orlando, Pistons, Pacers et Bucks, tu vois. Et puis, tu vas avoir le reste entre Heat, Hawks, Bulls et Sixers pour le reste de la bataille, quoi. Ouais, c'est parce que... Mais voir les Bulls, on les sent plutôt... Ça va dégringoler. Glisser, ouais. Faire un mini-tanking sur la fin et voilà, en tout cas, c'est ce qui se profile. Parce que beaucoup disaient ça... Philadelphie a pas son pic. Mais Philadelphie a trop engagé de pognon. Et puis, ils sont pas loin. Tu vois, et ils seraient à 4-5 victoires. Mais ils sont qu'à 2 victoires. Et puis, la conjoncture des Bulls fait que ça peut leur permettre d'espérer en se disant ils vont se casser la gueule parce qu'ils vont tanker. Donc, moi, je ne vois pas du tout Philadelphie tout bazarder maintenant, en tout cas. Je pense qu'ils sont encore facilement à portée de tir des Bulls, voire même des Hawks, pourquoi pas. Affaire à suivre, en tout cas aux Knicks et à New York, parce que oui, cette semaine, il y a 3 matchs, et c'est 3 matchs à domicile. Donc là, où on parlait un petit peu de se faire respecter à la maison, mais attention, pour être la bonne occasion. Mais attention, parce que là, cette semaine, c'est 3 matchs, mais 3 matchs contre des équipes de la conférence Ouest. On a parlé du classement des équipes de l'Est, et cette équipe play-in, c'est pas n'importe quelles équipes. Play-off. 3-4-5. Oui. 3-4-5 au classement de l'Ouest. Voilà, donc c'est pas n'importe quelle équipe. Premier pour commencer, ça sera ce soir dans la nuit de lundi à mardi, la réception des Memphis Grizzlies. On a parlé de Memphis par rapport à Martin Luther King. C'est malheureusement là où il a perdu la vie. Et là, les Grizzlies, cette saison, ils ont repris du poil de la bête, c'est le cas de le dire. Le retour de Ja Morant, ça aide un petit peu hein, quand même. Hein, fini les histoires de flingue à tout va. Le fait de rejouer avec un joueur qui n'hésite pas à aller dunker sur Wembanyama, même quand la faute a déjà été sifflée avant. Voilà. Il y a de l'ambition, il y a envie de remontrer que c'est une équipe sur laquelle on peut compter. La saison dernière, c'était un accident de parcours et entre autres lié à la suspension de leur leader. Là, méfiance à avoir, les ours débarquent, le Grizzlies débarque en masse, en meute au Madison Square Garden. Ça va pas être un match facile. Non. Derrière, dans la nuit de mercredi à jeudi, qui arrive Nikola Jokic, ancien MVP en titre, champion il y a 2 saisons de ça. Les Knicks les avaient battus. Faut se rappeler de ça. Les Knicks les avaient battus à Denver en haute altitude. Là, est-ce qu'il y aura un sentiment, une envie de revanche à voir? Est-ce que les Knicks vont confirmer, vont sweeper les Nuggets en saison? C'est aussi un scénario possible. Attention, les Nuggets cette saison, ils ont beau avoir été renforcés par Russell Westbrook, ils encaissent des points quand même. Il y a eu des défaites, voilà. Ils sont pas non plus totalement rayonnants dans leur conférence. Ils ont joué aussi pas mal de matchs sans Aaron Gordon. Jamal Murray, à voir ce que ça donne. En tout cas, All-Star, ça risque d'être compliqué pour lui cette saison. Mais méfiance à avoir, c'est pas n'importe quelle équipe qui se déplace. Là, il y a du gros test, encore une fois. Et puis notamment au poste 5. Carl Anthony Towns avait plutôt bien joué cet ami Jokic. Et ouais, Westbrook aussi. Au Garden, c'est toujours un petit peu quelque chose. Et puis pour finir la semaine, dans la nuit de samedi à dimanche, ça sera qui? Le King. Qui ça? Le King quoi? Le King de LeBron James, et oui, l'autoproclamé roi, l'élu, le chosen one. Il sera de déplacement avec Anthony Davis et pas D'Lo, hein, parce que D'Lo il joue plus aux Lakers. Mais il pourra peut-être aller lui faire coucou, ils pourront peut-être manger ensemble du côté de Brooklyn. Auquel cas, on a une bonne adresse de restaurant barbecue à leur recommander. Ouais, franchement, délicieux. Si vous voulez cette adresse, mettez en commentaire, je vous la donne. Elle est validée, recommandée, avec une petite accompagnement de patates douces. J'en bave encore. Bref, il est bientôt... il est l'heure de manger, hein, c'est pour ça aussi. Les Lakers au Madison Square Garden, c'est toujours une affiche particulière. New York, Los Angeles... ça s'est passé comment l'année dernière? Je sais plus qui a gagné sur les confrontations. En tout cas, c'est la première confrontation de la saison face aux Lakers. La prochaine, elle se passera où? En Californie. Et ça sera un petit peu plus tard, aux alentours du mois de mars, si je ne dis pas de bêtises. Et donc voilà, 3 matchs à la maison. On se posera la question de quelle est l'affiche qu'on veut voir dans ces 3 matchs. Et on se posera la question du pronostic. Mais Seb, dis-nous, toi qui as les chiffres et les stats et les calendriers, les résultats. Comment elles vont ces 3 équipes de la conférence Ouest? Elles vont très bien, monsieur le docteur. Elles vont très bien. Ben, comme je t'ai dit, hein, et c'est dans l'ordre du classement qu'on les affronte. C'est-à-dire Memphis est 3e, Denver est 4e et les Lakers sont 5e. Avec des bilans évidemment positifs, hein. Memphis a un bilan de 31-15, ce qui est très bien. Au niveau de leurs blessés, bon ben voilà, ils ont Marcus Smart qui est out. Je me demande d'ailleurs s'il n'est pas out la saison, non, Smart. Pas suivi. Bon, ouais, bon, alors après, visiblement questionnable Santi Aldama, c'est quand même un mec important aussi dans leur dispositif, même si après ils ont quand même un roster qui est assez profond. Leur dernier match, ben, c'est simple, ils sont sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 victoires consécutives. Voilà, depuis le 16 janvier, ils n'ont pas perdu. Deux victoires contre San Antonio, une victoire contre Minnesota, Charlotte, New Orleans et Utah. Ouais, c'est... L'équipe qui tourne bien. Ouais, ils avaient commencé 2025, tu vois, pas terrible, en 2-3. Et puis ensuite, ça s'est lancé et là, ils sont à fond les ballons avec notamment un Jaren Jackson Jr. très bon qui est... All-Star, pas All-Star. Et d'ailleurs, sur cette étonnamment, sur cette série de victoires, et ben, tu as Ja Morant qui n'a été qu'une seule fois le meilleur scoreur. Sinon, le reste a été Aldama, Jaren Jackson ou Bane qui est excellent aussi. Dit autrement, un collectif qui tourne bien, ouais. Et pas juste un joueur qui draine son équipe. Très très belle équipe, donc attention. Méfiance. Attention, méfiance. Ouais, les ours sont là et ça peut faire mal. Denver, Denver, on les avait chopés que quand ils étaient dans une période où ça soufflait le chaud et ça soufflait le froid. Ouais, alors ils nous avaient dit oui, on est rentré de Los Angeles la veille, voilà. On est fatigué, bah. Excuse bidon. Mais ouais. Et donc, on les avait pris au bon moment, là où ça a marqué mal. Bon, ben, depuis, ça va mieux. Au niveau des blessés, pas grand monde notable dans l'équipe. Et au niveau, alors là, bon, ils sont sur une défaite contre Minnesota. Sinon, eh ben, écoute, tu vois, ces derniers temps, ils avaient enchaîné 4 victoires, une défaite. 4 victoires, une défaite. Alors, faudrait pas qu'ils enchaînent 4 victoires. Donc, ils sont carrément mieux avec un Jokic étincelant, dont notamment son match contre Sacramento, de Sabonis, en 35-22-17. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens qui statent contre Sabonis. Je dis ça, je dis rien. Mais Denver, ça y est, Denver, et puis donc ils ont remonté au niveau du bilan, ils sont à 28-17. Et avant de nous jouer, ils jouent Chicago. Ouais. Donc, bon. Ça devrait aller. Et ils ne seront pas en back-to-back. Voilà. Ça devrait aller pour eux. On ne s'inquiète pas trop. Voilà. Mais par contre, ils enchaînent après Chicago, New York, Philadelphie. C'est quand même. Ça fait un beau petit trip à l'Est. Et enfin, les Lakers. Les Lakers, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que là, ça ne nous concerne pas trop puisque c'est contre Charlotte. Il marque day-to-day LeBron, Anthony Davis, Rui Hachimura, Gabe Vincent. Bon. On a en tout cas un Christian Wood qui est hors-jeu. Oui. Et un Jaled Uchifino également. Bon, après, est-ce que c'était vraiment ça les game changers, voilà. Mais eux, ça va beaucoup mieux aussi. Hein. Là, ils ont bien battu Golden State. Ils ont battu. Même si ça râle. Ça râle côté Lakers. Hein. Il faudrait mieux entourer. Ouais, visiblement, ils mettraient la pression à Rob Pelinka. Bon. Mais écoute, ils sont pour l'instant à un bilan de 25-18. Sur les derniers matchs, sur les 5 derniers matchs, ils sont en 4-1. Ils ont perdu contre les Clippers. Mais tu vois, après derrière, et voilà, ils ont battu Washington, ils ont battu Boston. Et comme il faut, 117-96. Ils ont Boston. Battu... On parle de Boston. Hein. On parle de la rivalité, peut-être numéro 1 de la NBA. Ça va mieux. Ça va mieux côté Lakers. Donc, attention. C'est pas un match pareil à prendre à la légère. Comme j'ai dit, de toute façon, on affronte là 3 équipes. Du top 5 de l'Ouest. Tout en positif, forcément qu'elles sont bonnes. Avant de nous affronter, ils joueront Charlotte, ils joueront Philadelphie, ils rejoueront Washington et nous enfin. Voilà. Un programme qui semble à leur portée, mais bon, on sait jamais avec les Lakers. Voilà. Ouais, c'est ça. Ok. Mais voilà, les Lakers, bon. ils peuvent enchaîner d'un coup 4-5 victoires consécutives. Là, tu vois, même 6, c'est leur plus longue série. Et puis après, tu vois, te passer au travers contre Atlanta ou contre. Enfin voilà, donc. Bon. La question fatidique, est-ce que Bronny va jouer? Je crois pas. Pourtant on en parlait beaucoup, un gros potentiel et tout. Là il est temps. Ah il a fait visiblement, il a fait une grosse stat là en G League, puisqu'ils ont montré son poster dunk. Mais voilà, ça reste la G League là où Kevin Knox, je rappelle. D'ailleurs j'ai même pas fait attention. Est-ce qu'il est All-Star? Tiens, faut que je regarde. Oublie. Bon, la traditionnelle question, quelle est l'affiche pour toi qui te fait le plus saliver sur cette Les trois sont belles, parce que Memphis c'est alléchant. Memphis, je pense que Memphis c'est. Il faut en garder une. Si voilà, t'as pas le choix, tu dois avoir qu'un seul match, lequel tu veux pas louper. Denver. Ok. Et ben pour moi, je vais partir sur les Lakers. Voilà. Parce que les Lakers, c'est ma deuxième franchise de cœur. Donc, ce sera les Lakers. Et puis, LeBron au Garden, c'est toujours un bazar pas possible. Et j'espère une victoire des Knicks. Hein. Bon, allez, pronostic. Je me suis lancé déjà. J'ai dit que j'ai fait une victoire des Knicks face aux Lakers. J'ai gagné la semaine d'avant, là, précisément l'épisode. J'avais annoncé un 4-2. Est-ce que je vais me tromper ou pas cette semaine? Bon, je l'ai dit. J'espère, je pense, une victoire des Knicks face aux Lakers. Voilà. Mais est-ce qu'on va gagner les deux autres? Eh, ça me semble bien compliqué. Je pense que non. Grizzlies. Tu nous fais pas 3-0 là. Non, voilà. Peut-être qu'en 2025, je suis un peu plus réaliste, je ne sais pas. Non, je pense que ça va être compliqué contre. Ouais, je pense qu'on va plutôt perdre contre Memphis et contre les Nuggets. Alors, les Nuggets, on les a déjà battus chez eux. Est-ce que ça veut dire que les Knicks sont supérieurs aux Nuggets? Je sais pas. J'ai du mal à prononcer. Je serais très agréablement surpris et je demande que ça, que les Knicks s'imposent face aux Nuggets. Après, attention parce que tu vois, autant Sabonis pour une match-up face à 4, c'était pas terrible. Autant la match-up Jokic 4, Jokic est 4. Pas vraiment favorable à Jokic. En tout cas, il aime. Ouais, en play-off, ça s'était plutôt tourné à l'avantage de 4. Voilà, on n'est pas non plus sur un gros protecteur de ça quand on parle de Jokic. On parle de Nikola Jokic. Oui, il va faire son triple double en dormant, en marchant, en trottinant, en faisant du moonwalk. Il n'a pas le MVP cette saison, ça reste pour moi le meilleur joueur du monde. Voilà. Ouais, moi j'ai jamais aimé le style, donc le style me pose problème, mais ça reste un joueur exceptionnel et très fort. Il saura faire briller son équipe. Après, est-ce que quand il sera pas sur le terrain, son équipe va garder le rythme? Ça, c'est souvent un petit peu la difficulté. Ils ont toujours l'ancien DeAndre Jordan qui sera du banc. Ouais, DeAndre Jordan, un ancien Knicks. Mais voilà, non, je pense que les Nuggets vont prendre leur revanche chez nous. Et donc, pour moi, cette semaine, ça serait une victoire, deux défaites, une victoire face aux Lakers et un début de semaine compliqué. Les Grizzlies, bon retour, équipe athlétique, jeune, ça nous pose problème c'est souvent. Pas notre et le jeu, collectif, on a du mal à les contrecarrer quand c'est. On le voit que quand on a affronté force Office, collectif. Les Hawks, même d'autres équipes. Hein. La course, la machin. Et... Je te demande qu'à me tromper, mais pour moi, ça sera une victoire et deux défaites cette semaine. La KNF est plus là-bas pour supporter. Ouais, je suis. Et pour toi? Je suis tenté de te suivre aussi. Ouais, facile. À la limite, pour Memphis, qu'on le perde, je pense comme toi que c'est pas pour nous ce match et compliqué. Alors après, ça me fait penser à un match comme à OKC, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ils limite ont des armes en nombre. Tu sais presque d'avance qu'il est presque perdu ce match. Après Denver, écoute, allez, essaie d'avoir gagné là-bas. Allez, tu sais quoi pour changer, parce que on va dire comme toi, pour amener un peu de piquant justement dans la confrontation, on va dire, je vais dire 2-1, je vais dire donc défaite contre Memphis. Mais la différence près, c'est que je vais dire qu'on va gagner contre Denver et qu'on va gagner contre Los Angeles. Ok. Eh bien, dites-nous en commentaire ce que vous voyez pour cette semaine. Certains voient l'émission le mardi et pas le lundi. Match des Grizzlies. Mais il reste de quoi, en tout cas, se prononcer sur le match face aux Nuggets, au match face aux Lakers. Est-ce que ça sera un 3-0? Est-ce que les Knicks vont rouler sur la conférence Ouest? Est-ce qu'au contraire, on va se faire rouler dessus? Et ça serait un sacré message. Parce que là, si tu fais un 3-0 contre le top 5 de l'Ouest, là, tu envoies un message en disant, vous avez vu là le calendrier On le fume, quoi. Donc, Il y a eu des matchs test un peu loupés face à OKC, face à Boston, face aux Cavs, face à Houston aussi. Voilà, les Knicks, à un moment donné, vont devoir gagner contre des grosses équipes. Ça a été le cas face à Denver, même si on les a accueillis à un moment où ils n'étaient peut-être pas en forme. Ouais. On les a accueillis quand même. On va voir. On n'a pas encore joué les Grizzlies, on n'a pas encore joué les Lakers. Non. Ça sera la première des deux confrontations face à eux. Ça sera intéressant. En tout cas, une belle semaine. Trois matchs, on l'a dit, ouais. On veut les voir tous et on les verra tous. C'est bien, en plus, il y a de quoi dormir entre les deux, donc ça, c'est parfait. Mais voilà, c'est le programme de la semaine pour nous. 2-1 pour Seb, 1-2 pour moi. Et pour pas vous spoiler, les prochaines semaines s'annoncent aussi coriaces. Eh oui, et on sera là pour en parler, pour débriefer tout ça. Et on sera là aussi où, quand, demain. Où ça? Sur X. Twitter, là, le truc avec... Ouais, faut faire gaffe quand tu mets les bras, tout ça, parce que il y a un mec qui a fait des trucs bizarres. Voilà, bon, bref. Mais voilà, on se retrouvera demain de 19h à 20h avec notre ami Chapi. On n'était pas là la semaine dernière parce qu'on était de l'autre côté de l'Atlantique. C'était compliqué. Mais cette semaine, on sera de retour avec lui. On parlera du débrief de la semaine. On parlera de Jalen Brunson et Karl Anthony Towns, nos All-Stars. On fera un petit quiz à la fin. On passe encore un bon petit moment à débriefer ensemble et à parler de Knicks. Et pas que, parce que des fois, on dérive un petit peu, vous le savez, vous connaissez. Et voilà, c'est ainsi qu'on va terminer cet épisode 111. Voilà, plein de belles choses encore cette saison à vivre ensemble. Et ce n'est que l'épisode 111. Il y aura le 112, il y aura le 113, il y aura le 114. Et le plus loin possible, j'espère, pour vous accompagner cette année en play-off aussi au printemps. La saison n'est que rendue à sa... à peine sa moitié. Il faut apprécier ces Knicks qui sont troisième de cette conférence et qui n'ont pas fini de nous régaler, de nous faire rager, les deux à la fois. Ça, c'est certain. Et on sera là pour en parler. Voisin du dessous, je suis de retour. Faut que je vide mes valises. J'ai arrosé les plantes, j'ai nourri le chat, normalement tout va bien. Le chat, le cat. J'ai arrosé le chat et j'ai nourri les plantes, je me suis peut-être trompé. Il y a tout sabé. Il y a tout sabé. On vous donne rendez-vous, même endroit, même heure, la semaine prochaine sur KNF TV. D'ici là, portez-vous bien et let's go Knicks. Ciao, ciao, bonne semaine.